FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la période du 23 juin au 6 juillet 2014. C'est édition anglo et je m'appelle Mathieu Plante. C'est la dernière émission avant mes vacances. Oui, vacances. Pour la première fois en carrière, je prends des vacances cet été. Donc pendant le mois de juillet, il n'y aura pas de Palmarès C'est fou, mais il va y avoir C'était fou, des émissions spéciales qui vous présentent entre autres des numéros 1 à travers le temps, des trucs comme ça. Ça va être à partir de la semaine prochaine et pour les 4 prochaines semaines. Mais on va profiter de l'heure qui s'en vient. On est là et on va écouter le Palmarès anglophone, le top 20, mais pas au complet, évidemment. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours The Pretty Reckless et Going to Hell. Mais on va débuter avec 4 nouvelles entrées. Il y aura Fucked Up et Pascal Picard, ainsi que Tokyo Police Club. Mais on va débuter en 20e place. Voici à l'instant Jack White et son nouvel extrait, Lazaretto. Tout de suite au 89.1 FM, c'est fou. Nouvelle entrée.

nouvelle entrée. Que diable était-ce? Fucked Up! Et leur extrait Sunglass sur l'album Glass Boys. Extrêmement étrange comme formation. Hardcore punk de Toronto en Ontario. Ils ont gagné le prix Polaris Music Prize en 2009 pour l'album The Chemistry of Common Life. Vous êtes pas mal assez fous. On a entendu juste avant ça la position numéro 18, Pascal Picard et Runaway, qui est une nouvelle entrée aussi. En 19e, même chose pour Tokyo Police Club et Hot Tonight. Et au tout début du bloc, Jack White et Lazaretto sur son nouvel album du même nom. Donc, 4 nouvelles entrées du côté anglophone et 4 du côté francophone la semaine passée. Ce qui veut dire qu'on a dit au revoir à 8 chansons. Voici Palm, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les Palmarès Fous depuis la précédente édition. Mon corps et mon corps, mes peines sont mes peines, ma mort et ma mort. Boucher le tunnel. Les distances me dérangent. n'importe quand je suis du tout beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. 50 shades of beige, 50 shades of beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. Beige don't age, beige don't age, beige c'est la couleur du long age. Jump up, moving train, I'll chase hurricanes. Just watch me turn around the room. Let's just skip the names, head straight to the games. Oh baby, fly away, I'll hurt you too. Les pièces qui ont quitté les Palmarès, c'est fou depuis l'édition du 9 au 22 juin 2014. On a commencé avec Clopelgag et Tunnel qui a duré cette semaine. Ensuite, on a créé un monstre et la fatigue cette semaine. Mordicus, ma grande gueule cette semaine. Radio Radio, 50 Shades of Beige cette semaine. Pascal Picard et Paper Planes cette semaine. Walrus avec Banger 6 semaines. Miserable de Tokyo Police Club avec 8 semaines. Et finalement, Just Enough de Royal Canoe qui a duré 7 semaines. Donc, 8 pièces auxquelles on a dû dire au revoir, mais on a accueilli 8 quand même nouvelles entrées, dont plusieurs retours. Entre autres, Tokyo Police Club. Pascal Picard, quoi d'autre? Radio, Radio, Mordicus est de retour. Donc, il y a un paquet de bonnes choses. Et des nouveaux en plus, hein, du côté francophone, la semaine passée, en nouveauté, il y avait La Bronze et Amor Blitz. Vraiment superbe. Voilà, donc pour ce Palmarès in Peace, on fait ça chaque semaine dans les Palmarès, c'est fou. En passant, je l'ai dit en début d'émission et je l'ai rappelé à la toute fin, mais il n'y aura pas d'émission pendant le mois de juillet, pas de Palmarès, c'est fou. Donc, les nouvelles entrées, ben, quand même, vous allez devoir vous en passer, hein, et ils reviendront au mois d'août. Hein, c'est comme ça. Faut s'attendre à ça, des vacances une fois de temps en temps. Hein, bon. Maintenant, retournons à notre Palmarès et enfin, on va retourner avec un long bloc pour se mettre le plus de musique derrière la cravate possible. On va entendre les positions 16 à 11, sauf qu'on va en sauter 2. Hein. Donc, on va entendre plus tard Pie Pie, Mark Mills et Piff Paff Hangover. On va sauter par-dessus Tough Mitts et Sleeper Agents. Je vous expliquerai tout ça tantôt. Commençons avec la 16e place anglophone. Voici Chad Van Galen et Where Are You? Au 89.1 FM, c'est fou! Yeah. said she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in a space of time. She's on the state line. She said she ain't mine. I'll meet you in a space of time. Streets like fireworks, nice to finally meet knees from the bell belly, from the beers, puppy eyes, bees, or whatever works, whatever works. Polka dot skirt, I eat the streets like fireworks, nice to finally meet knees from the bell belly, from the beers, puppy eyes, bees, or whatever works, whatever works. She's on the safe line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in this space of time. She says she ain't. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Yeah. chance que mon but était de jouer le plus de chansons possibles dans l'émission d'aujourd'hui. On va avoir joué à peine la moitié du top 20. On va entendre Pie Pie et New York, passé de Mark Mills et Triple Fire Sign. Avant ça, Piff Paff Hangover et Whatever Works qui descend de deux places. On a sauté par-dessus Tough Mitts et Cross and Crumbs qui descend de la troisième, septième semaine de présence. Avant ça, en 15e, on a sauté Sleeper Agent et Be Brave qui est là depuis cette semaine aussi. On a débuté en 16e place avec Chad Van Galen et Where Are You. Le problème est que nos chansons d'aujourd'hui sont toutes super longues. C'est des chansons de 4 minutes 30, 5 minutes. Donc, on a parlé. C'est la troisième fois qu'on se parle en 45 minutes dans cette émission-là. C'est quelque chose. On va sauter par-dessus tout le reste, presque. En 10e place, Chromeo, Jealous I Ain't With It, monte de 5. En 9e, ça descend de Une Found Like This de Beef Donut. En 8e, ça monte de. C'est quoi? C'est plusieurs. Puis à plusieurs places. C'est de la 19e, tiens. Song 4, 5 and 6 par Owen Pallett. En 7e, c'était Nouvelle Entrée, une pensée. AM Blues de Bri Webb. En 6e place, ça monte de Une Language Arts et Building a Mountain with Our Bare Hands. En 5e, ça descend de 3 places. You Can't Judge a Book by the Cover de The Stripes. Et finalement, en 4e place, l'ancien numéro 1, Going to Hell de The Pretty Reckless. On s'en va au top 3 parce qu'il est moins quart. C'est comme ça. Faut aller directement au sommet. Donc, en première place, évidemment, je ne sais pas ce que c'est. En 2e, c'est Drive By Truckers qui monte de 3 places avec Shit Shots Count. On va débuter en 3e place à l'instant. Voici Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night. Oh, c'est fou. On a faim. Fim. Tap, tap, tap aujourd'hui. Oh, bang, bang, bang. Boum, boum, boum. Tout fait. Moi, j'aime ça aller vite demain. Pourquoi prendre son temps? Tu réponds pas? with your switch. They don't pay you enough to work. Well, they don't pay me enough to bitch. Boss ain't smart as he'd like to be, but he ain't nearly as dumb as you think. He just wants evolution on a budget with a schedule key. Position. c'était les positions 3, 2 et 1 du palmarès anglophone pour cette période du 23 juin au 6 juillet 2014. On a commencé avec Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night, position numéro 3 qui monte de la 14e, donc de 11. En deuxième, ça monte de 3, Shit Shots Count par Drive-By Truckers. Et finalement, on vient d'entendre en première place qui monte de 12, Pink Mountain Top, c'est Ambulance City qui a depuis seulement 3 semaines, donc directement au sommet après 3 semaines. C'est quand même bien de sa part au groupe Pink Mountain Tops. L'album s'appelle Get Back. Voilà pour le palmarès anglophone et voilà pour les palmarès assez fous pour l'instant. On est en congé pour le reste du... pour le mois de juillet au complet. On va être de retour au début du mois d'août. Pendant ce temps-là, pendant le mois de juillet, vous allez entendre des éditions spéciales de C'était fou dans notre case horaire des jeudis à 14h. Dans quelques instants, cet assemblage requis qui s'en vient. Je vais être là pour la dernière émission en ce moment aussi. Et à 18h, Rock Révélé. On joue le samedi avec à midi, assemblage requis et 15h, les palmarès assez fous. Juste après nous, on fait dans une heure environ, ce sera le voyage insolite. Et finalement, lundi, entre 14h et 17h, c'est assemblage requis. Et à 17h, les palmarès c'est fou. À 18h, restez là pour David Ferron et son émission Les palmarès du monde. Ça se remet dans quelques instants. Voilà, c'est fou.ca, assemblagerequis.com. On se quitte avec l'ancien numéro 1 du côté anglophone, c'est The Pretty Reckless et Going to Hell. À dans un mois environ. Bye!